ses rivages. Au fleur, esprit de Dieu. Comme une force nouvelle qui nous conduit d'âge à âge. Souffle, esprit de Dieu. Sur cette assemblée réunie en prière. Souffle, esprit de Dieu. Répand ton onction et répand ta lumière. Souffle, esprit de Dieu. J'entends Saint-Esprit. Saint-Esprit, consolateur. Saint-Esprit, révélateur. Comme une nouvelle vague qui nous conduit vers le ciel. Souffle, esprit. Saint-Esprit, dans nos vies, souffle Saint-Esprit. Souffle.